Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, une histoire du mouvement des travailleurs arabes, une série d'Ager Ben Boubaker, réalisée par Angélique Thibault. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'au moment où l'on commémore la nuit meurtrière du 17 octobre 1961, et alors que résonnent les discours racistes de cette année électorale, on a eu envie de faire entendre des mobilisations collectives qu'il ne faudrait pas oublier. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des tracts des maoïstes, un adolescent tué, et une manifestation contre les crimes racistes à la Goutte d'Or avec des habitants, des militants, des travailleurs, et puis Sartre et Mauriac. Mais pour commencer, deuxième épisode, on écoute des archives. La Goutte d'Or fait déborder le vase. Ager Ben Boubaker, Angélique Thibault. Bonsoir. Toute cette semaine, avec Jean Dève et Pamela Dousseau, nous serons à la Goutte d'Or, un haut lieu, comme on le sait, du parisianisme et du private joke. La Goutte d'Or, d'abord, c'est une rue du 18e arrondissement qui doit son nom à un vin blanc de grande réputation. Songez que la ville de Paris en offrait au roi pour fêter l'anniversaire de leur couronnement. Le nom désigne aujourd'hui tout le quartier environnant. La vigne n'y pousse plus depuis la fin de l'Empire, même si Zola l'a choisi pour dépeindre les ravages de l'alcoolisme. C'est rue des Poissonniers, dans le quartier, qui est située l'assommoir du Père Colombe, et rue de la Goutte d'Or, qu'on pouvait porter son linge sale à la pauvre Gervaise quand on ne le lavait pas en famille. Les temps ont changé, répète-t-on. Rien n'est plus comme avant. Et en effet, la Goutte d'Or est devenue un quartier effrayant. Vous pensez, presque rien que des immigrés. Un autre monde, l'Orient, l'Afrique noire, le Maghreb, que leur proximité immédiate rend encore plus lointain. C'est ce monde, ce quotidien, ces rues, ces angoisses, ces tensions et ces fêtes que nous avons écoutées pour vous les donner à entendre avant que, comme on le murmure souvent aujourd'hui, le ghetto de la Goutte d'Or ne disparaisse corps et biens. Nuit magnétique, 1978. Mais, enfin, vous tenez une petite épicerie, là. Bah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez comme client? Des Français. Qui vous achète quoi? Ah ben, tout ce que j'ai. Ça, je peux rien dire, moi, hein. Oh là là, dans le commerce, on ne dit rien. Oui, enfin, moi, j'ai pas de clients par là-bas, hein. J'ai pas de clients. Mais c'est quoi, la Goutte d'Or, selon oh, vous, ben, ça, vous ça, je vais jamais par là. Moi, je peux rien dire, parce que je m'y connais pas, je vais jamais par là. Septembre 70, pour nous, les Arabes, ici en France, nous a montré la voie de la lutte, de la résistance, et de compter sur nos propres forces. Après la nationalisation du pétrole par le gouvernement algérien, il y a eu une véritable campagne raciste qui a été montée. Alors ça a commencé par les journaux. Minute, dehors les Algériens, ils nous chassent, chassons-les. Puis toute la presse, de l'Aurore jusqu'au Figaro. Cela donnait dans les usines, pas de pétrole, pas d'embauche. Cela donnait dans les cafés, pas de pétrole, pas d'alcool, pour les Algériens et pour les Arabes. Là, c'est Gide. Ça, c'est Gide, ça, c'est sûr. Voilà, dehors les Algériens. Ça, c'est Gilles, c'est le grand chef du mouvement, le patron de tout ça, de tout ce qu'on a fait. L'homme le plus intègre que j'ai jamais vu de ma vie. Pas de pétrole, pas d'embauche. Lui, c'était un Mao, arabe et français. Pas de pétrole, pas d'alcool, pour les Algériens et pour les Arabes. La plus grosse provocation... Là, on était très puissants. L'assassinat était très puissant. Algérien, Jelal Ibn Ali, en pleine goutte d'or, en plein quartier arabe. J'étais ébloui par l'idée des premiers moments. La liquidation physique. Il y a eu au moins 150 assassinats. On en trouvait quotidiennement, toutes les semaines, dans le canal Saint-Martin, par exemple, dans le 19e. Scène du documentaire Compter sur ses propres forces, avec Gilles, cofondateur du mouvement des travailleurs arabes. Dans la Seine, on les trouvait dans la rue. La plus grosse provocation, ça a été l'assassinat d'un jeune Algérien, Jelal Ibn Ali. Le 27 octobre 1971, Jelali Ben Ali, Algérien de 15 ans, est tué par le concierge de son immeuble au 53 rue de la Goutte d'Or à Paris. Ce meurtre est le point de départ d'un grand mouvement antiraciste qui culmine avec une manifestation historique à Barbès. C'est la première manifestation émigrée de masse depuis le 17 octobre 1961. Des militants arabes maoïstes et des travailleurs s'organisent contre le racisme. Alors, à ce moment-là, tous les ouvriers arabes se sont sentis concernés parce qu'ils ont vu que ce que visaient les racistes, c'était à les mettre à genoux, à les démoraliser, les mettre à genoux pour qu'ils acceptent toutes les humiliations. Puisqu'on les humiliait là où ils étaient les plus forts, là où ils étaient les plus unis, dans la Goutte d'Or. Barbès, Ménilmontant, Belleville, c'est encerclé quand même par les forces de l'ordre de l'époque, comme quartier entre guillemets dangereux. Il y a une peur qui s'est installée, hein. Il y a les gardes d'Algérie aussi qui est là, hein. Quand je dis la guerre d'Algérie, parce que c'est la fameuse idée de « ça descend ». Les Arabes vont descendre. Ils descendent d'où ? Ils descendent de Belleville, ils descendent de Ménilmontant. C'est haut, un peu plus haut que le centre de Paris où se trouve la bourgeoisie parisienne. Ils descendent. Hein, Barbès, Ménilmontant, Belleville, ils descendent. Donc alors, pour éviter que les Arabes ne descendent, eh ben, on bloque, on fait un ghetto. On fait un ghetto. Barbès, c'est un ghetto. Et ce ghetto, il est ressenti très très fortement. Donc les résidents arabes du quartier, ils sortent pas en manifestation comme ça. Hein. Ils ont peur, et c'est normal qu'ils aient peur. Hein, la répression est très forte. Quand c'est arrivé, Jelali vivait chez ma tante et mon oncle. Je ne connaissais pas du tout les gens de l'immeuble. Je n'y allais jamais. Radio Soleil Goutte d'Or. Jelali ne m'avait jamais dit. Il avait peur. 1981. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris tout ça. C'est également plus tard, quand vous êtes arrivés, vous, les militants, qu'on s'est rendu compte qu'il avait été tué à cause du racisme. Sur le coup, quand j'ai appris sa mort, je n'ai pas pensé, ça y est, c'est du racisme, et tout ça. Je pensais seulement à sa mort. Bien sûr, je me suis posé des questions. On s'en pose toujours quand quelqu'un se fait tuer comme ça. Je me disais, ils l'ont tué parce qu'ils sont jaloux de lui, parce qu'il est beau. Dans le quartier, on disait que Pigault l'avait tué parce que mon frère avait voulu frapper ou violer sa femme. Moi, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que Pigault l'avait tué avec une carabine dans l'escalier de l'immeuble où il habitait. Je ne pensais qu'à mon frère assassiné. Je pleurais, j'étais triste. Pour moi, mon frère, c'était vraiment quelqu'un. C'était un homme... même s'il n'avait que 15 ans. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Hajar, vous allez bien ? Très bien, merci, ça va. Merci d'accepter cet entretien. Oui, ça va vous demander quelques efforts, parce que vous me remettez au moins un demi-siècle en arrière. Mais, Rachid, membre du mouvement des travailleurs arabes. Donc, ce que je propose, c'est que on commence assez simplement. Est-ce que vous pouvez juste nous replacer le contexte de l'époque ? Oui. Nous sommes peu de temps après la fin de la guerre d'Algérie. Nous sommes à la nationalisation du pétrole algérien, etc. Et il y avait une espèce de haine farouche Les Français, notamment de la droite, n'oublions pas qu'il y avait Ordre Nouveau, Compagnie, les fascistes, etc., qui étaient également très forts à cette époque, et il y avait des Algériens qui tombaient tous les jours comme des mouches, hein, je veux dire, on retrouvait des corps morts dans la Seine, etc. Il y avait des centaines de crimes racistes, et il y avait notamment l'assassinat du jeune Djelal Ibn Ali dans la Goutte d'Or. La Goutte d'Or qui rassemblait déjà à l'époque tous les Algériens, les Tunisiens, etc., les Marocains. Et ça a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Il n'aura jamais 16 ans. Il est mort. Le crâne fracassé par un coup de feu tiré à bout portant dans l'escalier par le concierge de l'immeuble Taudy où il habitait. Depuis longtemps, les racistes terrorisent Djelali et sa tante. Comptait sur ses propres forces, de Yanis Tsitsibidas, 1972. Signé par les concierges et autres racistes, est adressé à Pompidou. Que notre quartier ne soit plus synonyme de pègre et que ses habitants honnêtes n'aient plus honte de donner leur adresse. Une nouvelle pétition raciste en faveur de la libération des assassins circule le matin même du crime. Je me nomme Philippe Tancelin. J'étais, en cette période, un militant de la cause du peuple, qui était une organisation dite maoïste, qui était dirigée par Jean-Paul Sartre. Donc Saïd Bouziri, Mohamed Bachiri et quelques autres faisaient partie du mouvement de la cause du peuple, et en particulier des comités Palestine. Et puis, en 70, donc, il y a eu cette... initiative prise de ces militants arabes d'ouvrir un front de lutte, en particulier en direction des travailleurs immigrés en France. Des milliers de travailleurs arabes, français et antiracistes, le 7 novembre à la Goutte d'Or. Et c'était 4000. Oui, c'est génial. Et ça, c'est le tract pour Djelali Ben Ali. Djelali Ben Ali. Et lui, il a été assassiné en octobre. Hamza Bouziri, militant du mouvement des travailleurs arabes et frère de Saïd Bouziri. Ce qui s'est passé avec les grèves et tout autour de la Goutte d'Or, c'était immense, la Goutte d'Or à 4000 personnes. Les gens n'avaient pas vu ça depuis la grève générale du FLN pour la révolution algérienne. Donc, ce qui s'est passé là-dedans, c'est très fort. Et donc, l'ami Sartre, il est venu avec... avec Mauriac, avec Deleuze, tous les Mao arabes et français, et tous les gens qui voulaient venir sont venus. On descend dans la rue pour arrêter ce crime raciste. 4000 travailleurs à Barbès, ils ont été très violents pendant les galères de réplique, mais ils voient que ce n'est pas le manifestation, il n'est pas suffisant. Il faut qu'ils s'organisent. On organise entre nous, on fait des réunions des 60 personnes, des 70 personnes, pour voir comment on va se défendre. Alors, on faisait, par exemple, distribuer des tracts pour dénoncer la racisme de la Goutte d'Or, qui sont niées les pétitions contre les Arabes, pour recruter les commerçants racistes comme Trondé, rue de la Goutte d'Or, la Boulangère, parce qu'on disait, cette commerçante raciste, il vivait avec notre argent, il payait notre argent, il les sert des armes pour nous piller. On continue l'enquête chez les familles arabes, chez les familles françaises, mais on voit que les flics occupent les quartiers partout, on voit que les flics arrêtent partout les travailleurs pour les faire peur, hein, pour encourager les racistes. Je le fais parler au nom du comité de lutte Renault. À Renault, tout près de l'usine, à 200 mètres, il y a un mois, un crime raciste, un travailleur nord-africain de 40 ans a été assassiné à coups de poing et à coups de pied par 8 racistes. Ça a été un moment très très important des comités palestiniens. C'était le sommet des comités palestiniens. Le 25 février 1972, Pierre Auvernet, militant ouvrier maoïste et membre de la gauche prolétarienne, proche des comités Palestine, est tué par un vigile de l'usine Renault. Pierre Auvernet, c'est un jeune ouvrier qui devait avoir 22 ans, qui se retrouve à Renault, à Renault-Boulancourt, où la grève a été importante. avec des gens très connus, Mao et arabes, avec Sadr Mabrouk, avec Philippe, et les licenciements des Mao. Les licenciements des Mao, ça c'était donc, on est en février 72. Et Pierre Vernet se retrouvait devant la porte de Renaud Biancourt à Émile Zola, dans une intervention importante de tractage de tract. Il a avancé sur la porte. En face, il y avait un gars qui était armé. C'était un des vigiles de l'usine qui était armé et qui a tiré sur lui. Et qui est donc, Pierre Vernet est mort comme ça devant la porte de l'usine Renault. La presse du pouvoir et du PCF veut faire croire au peuple qu'il s'agit de provocations de voyous et de commandos illégaux. C'était l'après-midi, à 3h d'après-midi, entre 2h30 et 3h. Et le pays s'est enflammé. On descend à 250 000 dans la rue. Travailleurs, français, immigrés, pour l'enterrement de Pierrot. Les partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. CRS, hors de Boulogne, CRS, hors de Boulogne, Djellali et Pierrot, continuons le combat, Djellali et Pierrot. C'était de la folie. Le lendemain, il y a eu une manifestation de 50 000 personnes quasiment à Stalingrad. Et le surlendemain, c'était un dimanche, il y a eu une manifestation en enterrement de Pierrot, a été à peu près 100 000 personnes quasiment. C'était passé à une vitesse supérieure. Il y a eu 40 000 personnes en tête qui étaient des Arabes avec les drapeaux palestiniens. C'était une manifestation quasiment la plus grande manifestation sur la Palestine qu'on ait eu faite jusqu'à ce jour-là. Tous les gens qui ont suivi le cercueil, des militants arabes du comité Palestine, sont venus avec leur drapeau. C'est parti de Pigalle, même plus haut de Pigalle, à Maison Verte, jusqu'à au Père Lachaise. Donc il a été enterré au Père Lachaise. Vous pouvez nous expliquer l'histoire des comités palestiniens. Les comités palestiniens, c'est les comités palestiniens. Les comités palestiniens, ils ont la genèse de tout ça, c'est la guerre de juin. La guerre entre les Arabes et les Israéliens, la guerre perdue par les Arabes en 3-4 jours, c'était infernal. Et à l'époque, on avait en moyenne entre 25 et 15 ans, nous. Des futurs militants de tout ça. À l'époque, moi, j'étais encore en Tunisie. C'était infernal. À Tunis, il y a eu une manifestation qui a duré quasiment 12 heures dans les rues. Et on est descendu, on a envahi la ville, et sans parler de tous les autres pays arabes, tous les futurs militants marocains, communistes. Tout le monde a manifesté. Je veux dire, des Syriens comme Gilles, comme. Ça a été des manifestations de rue très importantes. Ah, bah, Hamza. J'aimerais bien l'embrasser. C'est un militant qui a gardé le sens de l'amitié profonde, de la mise en contact des anciens camarades et tout ça. Il est toujours en contact avec beaucoup de monde. On va juste vous demander une petite présentation. Hamza Bougiri. Donc, voilà, je suis Hamza Bougiri. Qu'est-ce que je vais dire de plus que ça ? Cofondateur du mouvement des travailleurs arabes. Oh, cofondateur, voilà ça. J'ai toujours évité tout ça. J'étais un peu toujours à la marge, quelque part, entre nous. Mais j'étais surtout coordinateur du deuxième congrès du MTA qui s'est passé à Grenoble en 75. Et peut-être juste dire que vous étiez membre de Libération ? Fondateur de Libération. Ça va, quand oui. Je suis fondateur de Libération. Et un des membres des fondateurs de Libération et de l'agence de presse Libération. Ouais, bref. Merci beaucoup. Ouais. Ah, je vois que vous faites du très beau boulot. Je suis très content. Ça fait plaisir. Ce sera une semaine, vous m'avez dit. Mais oui, une semaine. Bon, comment est-ce que je peux faire pour écouter France Culture ? Je vous enverrai le lien. Oui, mais comment ? Moi, je n'écoute que France Inter. Je suis branché que sur France Inter. Les filles sont heureuses de le voir. Mes filles, moi j'ai deux filles. Moi c'est très simple, moi je m'appelle Anis. J'ai milité donc pendant que je faisais mes études en France. J'ai milité au sein des comités palestiniens en essayant d'unifier un petit peu les tendances, les mouvements. Parce que c'est vrai qu'au départ on était assez assez éclaté pour essayer, en fait, en fin de compte, d'arriver à un mouvement unitaire qui est le mouvement des travailleurs arabes. Moi, d'ailleurs, c'est l'année de mon arrivée en France. C'est en 67. J'étais complètement révolté. Ça m'a poussé à rencontrer des intellectuels qui se rencontraient en cachette. Et parmi les premiers comités, il y avait celui de Gilbert Mury. Donc là, les comités Palestine étaient fortement soutenus par le mouvement Mao. Le mouvement Mao, il ne faut pas oublier que c'est le mouvement qui est né de mai 68, qui a ensuite donné la gauche prolétarienne, qui était vraiment fortement engagé dans le soutien à la lutte du peuple palestinien. Donc le mouvement arabe, les étudiants, les travailleurs et tout ça, luttaient dans les usines, dans les universités, avec le mouvement Mao. Les comités Palestine, à ce moment-là, bien implantés, un petit peu dans les facultés, dans les écoles, dans certains quartiers de travailleurs, comme à Gennevilliers, où il y avait une forte présence maghrébine. Les Mao ont eu tendance à vouloir mettre la main sur les comités Palestine d'abord, puis sur les débuts du mouvement des travailleurs arabes. Il y a eu un moment où il y a eu des luttes pour défendre l'autonomie de notre action dans des luttes spécifiques et non pas dans des luttes dictées par les Mao. Et là, Gilles pourra en parler beaucoup. Vous avez eu de ces nouvelles ou pas ? J'ai essayé, j'ai laissé des messages. Il va trouver deux ou trois messages. Il va vous rappeler. Il y a eu un congrès des comités palestiniens le 16-17 juillet 72, où on a réuni Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Toulon, Grenoble, et en passant par d'autres, pour faire le congrès des comités palestiniens. C'était l'époque où on a essayé de synthétiser tout ce qui s'est passé après la mort de Djedel Ibrahimi à la Goutte d'Or. Et donc, de la période de Djedel Ibrahimi, donc octobre-novembre 71, jusqu'à 72, juin 72, il y a eu un travail éblouissant des Mao arabes en France. On occupait le terrain, hein, on occupait vraiment le terrain. Mais quand est-ce que vous avez décidé de passer du comité Palestine au mouvement des travailleurs arabes? Justement, c'est le congrès des comités Palestine. On a décidé à ce moment-là d'être nous autonomes par rapport aux Mao français, parce que depuis notre naissance, on était bivalent. On était là entre la France et les pays, parce que on a grandi. Certains parlaient de syndicats arabes. Donc les gens voulaient vraiment s'organiser. Là-dessus, on a perdu la partie, mais on devait passer à autre chose. Il était évident que ce n'est pas un choix qu'on fait. Quand il y a la montée du racisme, on a le choix naturel est de l'affronter et non pas d'esquiver. Directement concerné par les crimes racistes, on s'est organisé pour commencer à faire l'ébauche du mouvement des travailleurs arabes, c'est-à-dire à en faire un mouvement structuré antiraciste autour de Gilles, de Saïd, autour de Mokhtar l'ouvrier marocain de Chausson, autour de, comment il s'appelle, l'ouvrier tunisien Sadok Ben Mabrouk. Voilà, exactement. Moi, je ne peux pas vous raconter directement parce que durant l'année 71, je faisais l'aller-retour entre la France et le Maroc. Et au Maroc, j'étais en train d'implanter des comités palestiniens également dans les quartiers populaires à Casablanca. En 71-72, au Maroc, c'était une grande mobilisation autour de la situation dans le pays concernant les libertés. On avait des manifestations tous les jours à Casablanca. Et en 72, exactement en mars, j'ai été enlevé par la police marocaine. J'ai subi une quinzaine de jours de torture. Et ça se passait toujours la nuit, toute la nuit. J'en ressors 6 ans plus tard. Enfin, j'ai été condamné à 15 ans et j'ai bénéficié d'une libération anticipée avec d'autres militants suite à des actions internationales. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des changements qui se sont imposés. Et c'est là où peut-être qu'on a joué pour quelque chose, on a compté pour quelque chose. C'est des mouvements qui sont imposés au pouvoir français de considérer l'immigré comme une personne humaine, l'arabe comme une personne humaine, et non comme une marchandise dont on fait ce qu'on veut. C'est à cette période, j'imagine, que vous rencontrez des gens comme Gilles, comme Saïd, comme Fawzia, parce que c'était aussi un groupe de d'après moi, ce que j'ai compris, d'amis, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Saïd, que Dieu et son âme étaient engagés jusqu'à la moelle. Je veux dire, Saïd, c'était un militant... il était obligé par ces questions 24 heures sur 24. Saïd, pratiquement, ne dormait pas la nuit parce que il faisait tout pour faire avancer nos droits. Posia à ses côtés, Gilles également, donc partout. Et c'était nos aînés, si je puis dire, enfin, en tous les cas pour moi. Alors, la particularité du MTA aussi, c'est que c'était un mouvement qui n'obéissait pas à des règles, si je puis dire, aussi bien strictes que quoi que ce soit. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de dirigeant, de président ou de secrétaire général ou quoi que ce soit. C'était informel, c'était autonome, et toutes les décisions se prenaient en collectivité, en assemblée générale, en réunion, etc. J'ai cru comprendre que, par exemple, c'était très compliqué avec l'amicale des Algériens, les représentations consulaires n'étaient pas vraiment de votre côté, quoi. Non, c'est très simple. Ils nous considéraient comme, bien sûr, des gauchistes, des turbulents, etc. Alors nous avions, par exemple, en tant que Marocains, nous avions l'amicale des travailleurs marocains. C'était en fait les nervis du pouvoir. Dans leur tête, ça représentait un danger également pour leur pays. Imaginez le type qui est parti pour travailler, il revient avec des idées de revendication, des idées... C'est mauvais tout ça, hein, c'est vraiment... Donc on était suivis, et puis on recevait des coups, des amicales, etc. Non, on n'était pas gâtés, hein. On recevait des coups aussi bien du pouvoir que des syndicats, que des amicales. Tout ça ne nous a pas empêchés d'aller de l'avant et ne nous a pas empêchés du tout de grossir le rang de nos sympathisants et de sensibiliser beaucoup, énormément de Français à la situation que vivaient les immigrés. Et je reconnais franchement c'est pas de leur faute si les gens étaient sous-informés, tombés des nues lorsqu'ils apprenaient les conditions dans lesquelles on faisait travailler ces gens, enfin, les faisait dormir dans des écuries. Ça tourne. Alors, c'est vrai que je reste très, très, très marqué par le mouvement des travailleurs arabes, hein, qui en était... Archive de l'agence Immédiat, 1999. Non, c'était absolument Saïd Bouziri, cofondateur du mouvement des travailleurs arabes. Une organisation qui était plutôt des amitiés dans sur tout le territoire et qui, en même temps, plus que les amitiés, était une volonté de dire, de crier sa colère quand on était humilié, de dire qu'on était pour une justice, pour un droit, que c'était aussi une façon d'être des hommes, partout où on se trouve, qu'on soit arabe ou qu'on soit français ou autre. Mais c'est vrai que ça s'adressait plutôt aux travailleurs arabes à l'époque, mais que ça n'a jamais été quelque chose de fermé. Je me rappelle du débat qui était absolument terrible et qui était un faux débat de l'époque où on nous disait vous vous organisez en tant qu'immigré, enfin en tant qu'arabe en plus, parce que et vous allez vous êtes en train de vous couper et de couper la possibilité de devenir français, en gros. Hein. Et encore plus que ça, vous n'acceptez pas les valeurs de ce pays et même ont créé donc du communautarisme. Pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Hélène, Gilles, j'ai bien reçu votre message et je comprends tout à fait. Et moi, je reste à votre disposition si vous voulez discuter dans les prochains mois. En tout cas, n'hésitez pas à me rappeler. C'était à très bientôt. Cette espèce de trio, quand même, avec Gilles, bien sûr. Ce serait Mortar. Amar. Saïd, Mokhtar, Gilles au départ. L'un était marocain, l'autre était tunisien, l'autre était syrien d'origine chrétienne. Gilles étant pour moi le patron. Bernard Lehambre, militant d'extrême gauche et membre du comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés. Un groupe extrêmement qui paraissait très soudé. Et qui était attirant. Tu vois, c'est des gens dont on avait envie de les écouter. Leur façon d'agir était très séductrice. Voilà. Il y a des gens, vous n'avez pas envie de vous coller avec eux, même s'ils ont les mêmes idées que vous. Tu vois. Bon. Mais là, on avait envie de venir, d'avoir des relations amicales. On avait envie de tout faire pour les aider à parvenir dans ce qu'ils faisaient. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ouais. Faut que je mette mes lunettes. Est-ce que vous étiez là à ce moment-là? Moi, je suis arrivé à la fin. Voilà. Je suis arrivé tout à la fin. Là, ils étaient à la salle Saint-Bruno, c'est là où j'ai découvert l'existence de Saint-Bruno, de Saint-Bernard, de Galimardet. Et d'un autre, qui n'était pas prêtre catholique, mais qui était le pasteur du 18e, qui s'appelait Heydrich Charles. Charlie. Est-ce que tu peux nous lire au moins juste le dessus ? La grève de la faim et la lutte de Saïd et sa femme. Tu veux que j'écris ? Je pense que c'est peut-être... Saïd et sa femme sont des Arabes qui se sont révoltés contre l'état de misère de la vie des travailleurs arabes en France et soutiennent fermement la lutte du peuple palestinien. Saïd déclare « Je rappelle à tous les conditions arbitraires de son expulsion. Je me présente avec ma femme le 26 octobre 72 à la préfecture de Paris avec un retard pour prolonger mes papiers. On signifie à ma femme et moi un refus de séjour. Ma femme est enceinte de 6 mois. Moi, je travaille et possède un logement régulier. Aujourd'hui, il n'y a pas... que les ennuis administratifs contre les travailleurs arabes, la répression et le racisme vont jusqu'au terrorisme. Aubervilliers, Suresnes, 3 petits points. Ce n'est pas seulement nous, les Arabes, qui sommes menacés. Tous les immigrés, nous sommes concernés. Nous sommes tous au bon vouloir d'un monsieur de l'administration. Voilà. Je m'en souviens, une fin d'après-midi, sur le boulevard de Ménilmontant. Après une réunion avec Saïd, Philippe Tancelin, et Faouzia, metteur en scène, Mokhtar et Gilles, Geneviève Clancy et moi-même. Voilà, notre militant d'extrême gauche, hein, à la fois arabe et français. Et compte tenu de la situation, Saïd dit, moi je suis décidé à engager une grève de la faim. Voilà, alors évidemment il restait à trouver le lieu. Donc, et là, donc, était trouvé le lieu de la chapelle Saint-Bruno, qui était animée et tenue par un être absolument merveilleux, qui s'appelait le père Louis Galimardet. Voilà, qui ensuite, d'ailleurs, avait des précédents. C'était vraiment un lieu d'asile, une terre d'asile. Il avait accueilli bien des, avec une sœur aussi, je ne sais plus son prénom. Peut-être le retrouverez-vous, qui accompagnait beaucoup le père Galimardet dans tous ses accueils des démunis, des poursuivis, etc. J'aimerais pouvoir revenir... Saïd Bouziri, au micro de Bernard Lehambre, agence immédiat, 1999. À la grève de la faim, à ta grève de la faim avec Faouzia, à votre grève de la faim, vous étiez, toi et ton épouse, en 72, en novembre 72. Et peux-tu nous rappeler les circonstances de la grève, comment la décision de la grève a été prise et qu'est-ce qu'elle a eu de particulier qui a pu permettre à un mouvement ensuite de s'enclencher et que si bien que le comité de soutien à votre grève s'est transformé, a éprouvé le besoin de se transformer en un comité de défense des droits et de la vie des travailleurs immigrés. C'est une chose que j'aimerais bien aborder avec toi maintenant. Faut dire, c'est toujours très difficile de parler de soi. Donc, ce que je peux te dire, c'est que l'injustice qui a été de nous dire, bon, maintenant, vous foutez le camp, vous n'avez plus à vivre ici. Ça faisait 3 ans qu'on vivait, 2 ans, on s'était mariés en 70, et ça faisait 2 ans qu'on vivait ici, on était étudiants en partie, on avait vraiment envie de militer. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de présence auprès des travailleurs étrangers. On était un peu révoltés sur de la manière dont ils vivaient dans les caves. Il y avait eu à l'époque des copains africains d'Aubervilliers qui avaient été asphyxiés dans un foyer. Enfin, c'était des histoires absolument horribles que nous avions vécues et en tout cas qu'on a connu, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Et on était révoltés là, sur des questions comme cela. Et donc, on avait envie de crier un peu ça et de bouger. Et il se trouvait que si on nous avait expulsés, c'est un peu parce qu'on criait, en fait. Hein. C'est pas plus que ça. Et on ne représentait rien, ni au niveau de notre pays, ni au niveau de la France. On avait quelques-uns, un petit couple dont la femme était enceinte à l'époque, Fosia. Et donc on s'était dit, bon, on pourra partir, pourquoi pas. Et puis après, on s'est dit, mais c'est pas possible. Même si on veut partir, on ne partira pas comme ça. Ça ne pouvait pas prendre d'avoir d'audience si ce n'était pas soutenu par une organisation. Donc, ce furent les militants maoïstes de la cause du peuple qui, là, sous l'initiative de Geneviève et de moi-même, avons créé une espèce de front des intellectuels. Donc, on va retrouver Claude Mauriac, on va retrouver Michel Foucault, on va retrouver un peu plus tard Deleuze, mais on va retrouver tous ces gens-là, qui va rassembler, qui va s'accroître à mesure que les grèves de la faim et que le mouvement du MTA se met en place petit à petit, se construit petit à petit, mais c'est les grèves de la faim qui sont le détonateur de ce mouvement des travailleurs arabes. Donc, avec Geneviève, on décide de créer, un petit peu à l'image du Secours Rouge, mais beaucoup plus ouvert encore, un comité de défense qui s'appelle le CDDVTI, Comité de défense des droits et de la vie des travailleurs immigrés. Et en termes d'action, quelles sont les premières actions du comité en dehors de sensibiliser la presse? Il y a du soutien au niveau des grèves de la faim? Comment vous mobilisez? Il y a essentiellement des soutiens au niveau des grèves de la faim, des conférences de presse qui sont organisées par les intellectuels. Je veux dire, là, les têtes de l'intelligentsia, elles sont quand même, elles ont une audience. Quand Claude Mauriac convoque à une conférence de presse proposée par le comité de défense, la presse vient. Mais entre autres, il joue ce rôle et il participe évidemment aux manifestations, au Square La Chapelle en particulier, une des premières manifestations importantes. Hein. Ben, je ne sais plus quel jour, ça devait être un samedi, donc en plein Barbès. Voilà. Et là, les forces de l'ordre sont imposantes, parce que tout ce qui concerne manifestations des quartiers arabes, et en particulier de Barbès, est sous vigilance policière extrêmement forte. Et donc là, il y a une sorte de bouclier de l'intelligentsia et des Français militants qui est importante, hein, parce que c'est vraiment la chasse à l'homme. Alors, comment on va faire ? Grève de la faim, nous sommes des non-violents, bien qu'on nous accuse d'être des véritables... parce que c'est vrai qu'on était maoïstes. Moi, j'étais indépendant, pas dans une organisation, mais je croyais franchement à un certain nombre de préceptes, si j'ose dire. Alors, à l'époque, j'avais... On était Je ne sais pas comment ça s'est passé. On avait joué sur l'idée que j'avais encore une dizaine de jours, je crois, pour partir, puisqu'il m'avait laissé 15 jours pour partir. Ça a été une décision rapide, puisque je te dis, une dizaine de jours, donc, les 3-4 jours, j'avais pris cette décision. Et donc, on savait, on ne jouait pas la... On jouait la montre, hein, mais on ne jouait pas non plus les appétits sorciers. On se disait, si jamais je suis dans l'illégalité, ils vont me foutre dehors immédiatement, ça c'est clair. Donc, alors que je me suis trouvé caché, les copains ont appelé, les amis ont appelé à une manifestation dans le square de, je crois, dans le square de La Chapelle. Et c'est dans cette manifestation, je pense, on m'a dit, puisque je n'y étais pas, qu'il y avait quelques 1000 ou 2000 personnes qui étaient venues. Et c'est au moment de cette manif, d'ailleurs, que je crois le préfet avait dit... avait reçu je ne sais qui des amis qui étaient là pour leur dire qu'il était prêt à me donner 15 jours qui pouvaient être renouvelables, bien évidemment. Alors nous n'étions pas des maximalistes à l'époque, hein, il faut dire. On a dit oui, d'accord, mais on ne partira pas quand même. Quel moment a été important dans votre parcours ? Absolument. Absolument. Je voyais une fois un jeune qui voulait faire une réunion pour ses compatriotes du Cameroun. Et j'ai dit, pourquoi tu veux faire la réunion ici ? Louis Gallimardet, Nuit Magnétique, 1978. Ah, c'est parce que tu as des salles ailleurs, ici c'est très difficile. Il dit, mais c'est que quand on arrive dans ce quartier, ici on se sent chez nous. Et par conséquent, c'est, malgré les difficultés, malgré tout ce qui est... pas très confortable, il y a au moins cette ce bonheur de se trouver chez soi si on est africain, quoi, si on est nord-africain aussi. Et on s'est dit, ici, il y a moins de racisme qu'ailleurs parce que ils sont moins étrangers, à mon avis. Fin. Les mouvements de travailleurs immigrés ont été soutenus de fait par une bonne frange de la population chrétienne de gauche. Il n'y avait pas que les Arabes et les Français, soi-disant comme ça. Les Français, c'était aussi des gens organisés. Et c'était ça qui faisait peur. C'était ça qui faisait peur à l'État. À la grève de Saïd, quand Saïd s'est retrouvé soutenu par toute la frange de la population intellectuelle, et surtout par rapport à ce qui a été immense, ce Saint-Bruno que vous avez vu là-bas, le curé de Saint-Bruno s'appelait Gallimardet. C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais extraordinaire. Gallimardet, ça a été un des chefs du mouvement des travailleurs arabes, quasiment. Non, sans rire, c'était un patron. Il était à la tête de la paroisse pour les filles qui travaillaient. Là-bas, c'était infernal, les filles comment elles bossaient dans ce quartier. Barbès, c'était à coupe-gorge, en vérité. On est rentré dans un coin où personne ne rentrait, en vérité. Il y avait deux grands personnages dans l'église de la Goutte d'Or, dans le 18e. Il y avait Gali et il y avait Sœur Simone, qui était une religieuse. Et ils avaient été mobilisés au moment de l'affaire Ben Ali. De ce petit jeune qui avait été abattu. Non seulement, d'abord, c'est lui qui a accueilli Saïd à Saint-Bruno, donc tout de suite a été très sensible à ça, et il avait ouvert, il avait donné accès à Saint-Bernard aux musulmans qui n'avaient pas de locaux pour faire la prière du vendredi. Voilà. Et il avait eu le soutien de l'évêché. Mais cette religieuse, qui était habillée tout à fait normalement, avec simplement un petit truc sur la tête, et elle s'occupait des prostituées. Elle venait en aide aux prostituées de la rue Charbonnière, ou de la rue de Chartres, où il y avait ces hôtels de passe. Monseigneur Aubry, on dit. Monseigneur Aubry, c'était quel... C'était l'évêque de Paris. Elle dit, un jour, à Gallimardet, je veux venir à la Goutte d'Or. On allait lui organiser une visite de la Goutte d'Or. Et on fait visiter tout le quartier. Et il y a quelqu'un qui prend une photo de l'évêque. Il y avait la queue des hommes qui allaient pour rentrer dans le bordel. Et l'évêque a la queue. l'impression que l'évêque attend son tour pour aller avec une des prostituées. Voilà. Enfin, c'était... Et si on reprenait un peu du début, tu me disais que ton engagement a commencé pendant la guerre d'Algérie. Oui, mais ça, c'est une vieille histoire. Bon, donc, si tu veux, il y a des prises de conscience qui font que j'allais être sensible au fait, quand j'ai appris qu'il y a un jeune Algérien qui a été abattu par un fusil, par un policier dans le commissariat de Versailles devant sa sœur et sa mère, et puis encore une troisième femme, et qu'il y avait une contradiction entre la version policière et puis la version des femmes. Et là, j'étais sensible à ça, tu vois, parce que c'était un jeune Algérien. Je me suis dit, il faut quand même qu'on aille voir ce comité qui appelait à une réunion d'information. Et c'est là, c'est au mois de novembre 72, que j'ai retrouvé plusieurs personnes qui étaient liées à ce qui s'était passé autour de Saïd, de la grève de la faim de Saïd Bouziri, et d'où j'ai réalisé que tous les gens qui étaient là étaient des gens qui étaient en rupture de banc, parce que chacun prenant la parole dénonçait les insuffisances de leur organisation. Et on a monté une commission d'enquête à Versailles. Et à Versailles, on a organisé plusieurs manifestations pour Mohamed Diab. Voilà. Et vous devez savoir qu'il n'y a jamais eu de condamnation du brigadier Marquet. Versailles a marqué le commissaire assassin qui a tué Mohamed Diab, un Algérien, mais ouvrier. Marqué, ouvre tes yeux dans ton verre. Regarde bien. Bien, le sang de diable est dedans. Oh, t'as pas honte? Tu bois le sang? Quelle barbarie! Marqué, regarde derrière toi. Le sang de diable te suit, te suit, te suit. Comme un serpent enragé. Fuis, fuis, il te suit. Cours, cours, il te suit. Cache-toi derrière la porte de ta maison. Il te suit. Dors, il est dans ton lit. Oh, quelle barbarie. Ça, c'est un autre tract de l'époque. Ça, c'est Mohamed Diab. Mohamed Diab qui a été à Versailles, ça a été un grand procès, ça. Ça a été très, très, très, très important comme mobilisation. Avec Tancelin, avec Geneviève et d'autres. Et Sartre, encore une fois, et plein d'autres personnes. Ça a été énorme, ça, par rapport surtout à la population française. Ça a été un procès qui était important parce que, surtout, on est rentré dans le système judiciaire. Donc, par rapport à la vérité de tous les habitants de France, français, immigrés et pris de justice, oui, voilà, on a mis la main dans la justice. Mohamed était allé voir notre mère, malade, à l'hôpital. Elle était faible. Il a voulu lui donner à manger, ce qu'il avait apporté. Les infirmières l'en ont empêché et l'ont jeté hors de la chambre. On l'a conduit dans le jardin de l'hôpital. De là, on a appelé la police. J'ai été averti par un voisin de ce qui se passait. Je suis venu tout de suite. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les policiers étaient déjà là. Je leur ai dit « Vous n'avez pas le droit de l'emmener ». Ils m'ont répondu « Ton frère est sous ». On l'amène au commissariat pour lui faire une prise de sang et puis on le ramènera à l'hôpital. Ils l'ont mis dans le car. Moi, j'ai suivi à pied. Quand je suis arrivé, il était dans la salle de police, bras en l'air. On lui avait enlevé ses chaussures, on le frappait, on l'injuriait. Alors j'ai crié « Laissez-le, mon frère est malade. Vous n'avez pas le droit de lui faire cela. » Les policiers m'ont jeté dehors en criant « Va-t'en, sale dégueulasse. » Je suis allé dans la cour et derrière la fenêtre, j'ai vu tout ce qui se passait. Ensuite, dans la salle. Mohamed a pris une chaise pour se protéger des coups qui tombaient de partout. Les policiers ont pris aussi des chaises. Il y a eu une courte bagarre, puis le calme est revenu. Mohamed s'est assis sur la chaise qu'il tenait. Il a commencé à remettre ses chaussures face au brigadier et en le regardant droit dans les yeux, il lui a dit « Tu veux me tuer, toi? Tu veux me tuer ?» Le brigadier tenait la mitraillette et lui a dit « Oui, je te tuerai, sale race. » Je te tuerai. Il a visé, il a tiré. Mohamed a tourné sur lui-même avant de s'abattre à plusieurs mètres du brigadier. C'est ça la vérité. C'est ça. Fatna Diab, 29 novembre 1972. Tu dors sur le sang, marqué, tes mains sont sales, sales de sang. Comment oses-tu embrasser les enfants avec, alors que tu as fait des enfants de diable, des orphelins, et dire que nous, vous bouffons vos pains, alors que vous nous donnez des cartouches à bouffer dans les reins? Comment oses-tu les tendre aux gens, alors que tu as fait couler le sang de l'innocent qui était chez sa mère, chercher la pitié que ta merde de société ne nous a jamais donnée, alors que le sigle de la liberté, de la fraternité et de l'égalité est accroché sur les façades des commissariats. Déchirez-moi ce sigle et jetez-moi cette Marianne par terre et écrivez plutôt « Ici, on emprisonne les exilés. Ici, on encercle les réfugiés. Ici, on tue les immigrés avec des revolvers mitrailleurs et des pistolets. Oh, quelle liberté! On nous ferme la gueule quand on veut crier. Oh, quelle liberté! Les loups de là-bas nous ont vendus et les chacals d'ici veulent nous acheter. » Je ne sais plus sous quel prétexte, c'était un contrôle d'identité, ou je crois que c'était il avait été soi-disant pris en état d'ébriété. Bon. Et que, une fois arrivé au commissariat, son état d'ébriété, sous la contention qui lui était imposée, ou la rétention qui lui était imposée, s'était accrue et qu'il avait essayé de, je crois, de casser une chaise, ou quelque chose comme ça. Et que le brigadier X marquait. Donc, avait dégainé en état de légitime défense et Mohamed Diab s'était écroulé sous je ne sais combien de balles dans la poitrine. Donc ça, c'était la version officielle. Démentie par le témoignage de la sœur de Mohamed Diab, Fatna Diab, qui était allée au moment où elle avait su que son frère avait été arrêté, était allée au commissariat, et puis on l'avait sortie du commissariat, et elle était restée à l'extérieur, elle l'avait vue par une des fenêtres. Elle a assisté à la scène où Mohamed Diab a été, exécuté. Bon, là, tout ça se passe par un réseau militant, parce qu'il y a des militants arabes qui sont pas loin de Versailles et qui connaissent Fatna Diab et qui, ça, c'est le téléphone arabe, ça va très vite. Hein. Et ils se sont dépêchés, donc, trois intellectuels, dont Geneviève Clancy, dès le premier jour. Donc, ils se sont dépêchés à Versailles, ont rencontré Fatna Diab et ont recueilli donc son témoignage. Donc, une fois que le message était, l'information était passée, une fois, bon, il fallait continuer à faire le travail de militants de diffusion de l'information et de diffusion de ce témoignage. Tu te souviens un peu de comment vous avez monté ce comité pour aider la famille de Mohamed Diab ? Eh ben, écoute, on a surtout fait contacter les avocats. Et on s'est trouvé tout de suite devant une difficulté parce que Maître Halimi bloquait. Nous, on voulait faire énormément de ramdam autour de cette affaire. Et Maître Halimi voulait rester, était mis en relation avec le gouvernement algérien. Et le gouvernement algérien ne voulait pas qu'il y ait de bruit autour de cette affaire. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec des anciens porteurs de valises, donc avec Spitzer, Geneviève et quelques autres. On est allé en délégation à l'ambassade d'Algérie, demander qu'on puisse librement exploiter le fait de ce crime qui avait été commis par un policier français. Voilà. Il n'y a pas eu de suite positive de cette démarche, mais on a fait la démarche auprès des autorités algériennes. Donc vous y êtes allé en tant qu'ancien porteur de valises ? En tant que gens qui avaient été liés au combat des Algériens. Bon, je dis à tout le monde, arrêtez de mentir. Seules les déclarations que j'ai faites sont la vérité. Je veux que tous les gens m'aident à faire la vérité et la justice. Mon frère est mort. On ment. La famille en est malade. J'appelle avec le comité de défense des droits et de la vie des immigrés tous ceux qui veulent m'aider au rassemblement de tous les habitants de France, français et immigrés, épris de justice. Voilà. Et le rendez-vous était donné le 17 décembre en face de la gare, de l'ancienne gare de la Bastille. Maintenant, il y a l'opéra. Alors, il y a toujours des racismes contre lui. Pour mon assez, pour rien du tout, parce que c'est un misérable. Des peignoirs, des blouses noires, et les fascistes, des racistes, et tout ça, on ne comprend pas. S'il attrape un misérable dans un coin seul, il va le tuer. Il va se mettre à 4 ou 5 contre vous. Soit il est mort, soit il est mort, soit il est mort, dans les usines, à l'intérieur, à l'extérieur. Hein? Quelle raison, pourquoi ça? Septembre 70, pour nous les Arabes ici en France, nous a montré la voie de la lutte, de la résistance et de compter sur nos propres forces. Monsieur, reste pas. À les démoraliser, les mettre à genoux pour qu'ils acceptent toutes les humiliations, puisqu'on les humiliait là où ils étaient les plus forts, là où ils étaient les plus unis, dans la goutte d'or. Bonjour Hager, c'est Gilles à l'appareil. Bon, je ne veux pas vous décevoir, je ne suis pas en état de vous faire un panorama ou une esquisse de la situation de 67 en fait à 77, mais je vous promets de la faire. Et sur les comités Palestine et sur le MTA, en disant que, en l'absence de Gilles, que ses amis considèrent comme fondateur, en fait, des comités de soutien à la lutte du peuple palestinien, des comités Palestine, du MTA et de la naissance du soutien sans papiers. Je vous livre ces témoignages, mais je vous promets que je ferai le nécessaire. Au revoir. C'était La Goutte d'or fait déborder le vase, avec Philippe Tancelin, Hamza Bouziri, Anis, Rachid, Bernard Lehambre et Saïd Bouziri, Louis Gallimardet, Gilles. Coordination, Perrine Carvran, attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier, archives INA et archives de l'agence Immédiat, mixage, Claude Niort, un documentaire de Hajar Benboubaker, réalisé par Angélique Thibault. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à la goutte d'or, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, 1973, un été meurtrier à Marseille. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.